السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، je m'excuse pour le retard. Dans les derniers dirs, on a pris deux hadiths également. Qui étaient Arroya Salih Aminallah ou le Hulm na Shaitan. Que le rêve contenant une vision pieuse provient d'Allah Azawajel et que le cauchemar vient de Shaitan. Nous avons pris le hadith, ou plutôt, ce n'est pas vraiment un hadith car à la base il est mursel, mais la parole qui était attribuée au Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qui l'aurait dit que Min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni fait partie de du bon islam de la personne. Que de délaisser ce qui ne le concerne pas. طيب ندخل اليوم في الحديث السابع والستين و الثامن والستين وربما التاسع والستين. Donc 67e hadith عن أيوب ابن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme n'a pas donné de meilleur don à son enfant que la bonne attitude, le bon comportement. Le hadith rapporté par Tirmizi, à savoir que le hadith, il paraît comme étant faible. Mais quoi qu'il en soit, son sens reste correct, comme va l'expliquer l'auteur, car le bon comportement a bien plus de valeur que tous les biens matériels qu'il puisse avoir est bien profitable pour le serviteur. Yom al-Qiyama, que les biens matériels. Taïeb. Donc l'auteur dit فَإِنَّهُ مِنْ أَدَلْ وَاجِبْ عَلَيْكَ وَمِنْ أَفْضَلْ مَا يُقَرِبُكَ إِلَى اللَّهِ تَوَجَّلْ. Parmi les obligations qui incombent aux parents, c'est d'enseigner ou d'inculquer à l'enfant hein, de bonnes mœurs et un bon comportement. Et ça, c'est parmi les choses qui rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاجْتَهِدْ فِي ذَلِكَ وَاحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Donc il a fait « Efforce-toi de faire cela et recherche la récompense auprès d'Allah dans les efforts fournis. » فكما انك اذا اطعمتهم وكسوتهم قمت بتربيه ابدانهم فانت قائم بالحق ماجور وكذلك بل اعظم من ذلك اذا قمت بتربيه قلوبهم وارواحهم بالعلوم النافعه والمعارف الصادقه وتوجيه للاخلاق الحميده والتحذير من ضدها. Il a dit tout comme c'est toi qui es la cause pour les nourrir, pour les revêtir, et c'est-à-dire que tu par cela tu éduquent leur corps. Tu éduques leur corps, et cela est un droit qui t'apporte une récompense. Et ben, il dit, à plus forte raison, que tu te mettes à éduquer justement leur cœur, ainsi que leurs âmes, et cela par les sciences profitables, et les bonnes connaissances, et les bonnes directives, et les nobles caractères, et également le mettre en garde contre ce qui s'y oppose. Donc cela nous indique qu'il fait partie du rôle des parents que d'inculquer à leurs enfants le comportement autant que possible, avec bien sûr les causes légiférées. D'accord ? Et on le répète souvent que ces causes-là nous incombent, mais le résultat incombe à Allah Azawajal. Bien des gens ont inculqué à leurs enfants des choses nobles et se sont efforcés de les tenir droits, et malgré cela, l'enfant, Allah Azawajal, en a qu'adar, que Allah avait prédestiné à cet enfant autre chose. Et tu vois que l'enfant ne suit pas, ou que l'enfant change, ou que l'enfant se met à contredire ce que tu lui as enseigné. C'est une chose par laquelle beaucoup sont éprouvés, quand l'enfant se met à grandir et commence à vouloir réfléchir par lui-même. Car quand il est petit, c'est facile. Mais arrivé à l'âge de l'adolescence ou autre, là, les choses peuvent changer. Donc c'est pour ça que dès son jeune âge, il faut commencer et pas attendre trop tard, car après, il sera très difficile de lui inculquer cela. Depuis petit, l'habitude aux bonnes choses. Et bismillah ta'ala, ça restera, même si on pourrait le voir changer On a toujours espoir que cette graine qu'on a plantée en lui dans sa tendre enfance puisse apporter des fruits profitables par la suite en grandissant et en prenant plus de raisons. Taïeb, ne jamais désespérer. Même si ton enfant, tu vois, il commence à changer, à faire du mal, dis-toi que tant qu'il est vivant ainsi que toi, il est fort possible qu'Allah Azzawajal puisse le guider par la suite et le ramener vers la vérité. Donc il dit dans le hadith, ما نحل والد ولده من نحل. Donc le nahl, c'est le don et la bienfaisance. فالآداب الحسنة خير من الأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة. Donc inculquer à ses enfants ce bon comportement, c'est le meilleur pour eux sur le moment et pour leur avenir que de leur donner de l'argent ou de l'or, les biens matériaux. Et tous les biens mondains que l'on puisse lui donner. Et vous voyez, pas mal de gens avoir, par exemple, être à l'aise financièrement, faire plein de cadeaux à leurs enfants. Mais faire trop de cadeaux à l'enfant, ça peut l'amener à devenir justement hautain et devenir gâté. Et un enfant gâté, il est évident que ce n'est pas un enfant qui aura un bon comportement. Donc donner à juste dose également. À juste dose. Ne pas rendre l'enfant comme un roi qui a tout ce qu'il demande, tout ce qu'il réclame. Car en grandissant, si Allah Azawajal l'éprouve par justement une privation de ses biens, il n'acceptera pas. Car depuis petit, il a été habitué à avoir tout ce qu'il voulait. Donc l'enfant, justement, fait partie du bon comportement quand il apprend justement également le zohd, l'ascétisme. Il ne s'accroche pas à ce bas monde. Trop. Bien sûr, un enfant, ça reste toujours un enfant. Il faut qu'il joue, qu'il s'amuse. C'est pas comme un adulte. Mais ne pas le noyer dans les cadeaux, dans les jouets et dans toutes les choses qui le distraient et qui ne font que l'amuser. Et qu'il oublie une part de sérieux, et surtout, les choses qui pourraient par la suite rendre l'enseignement religieux lourd et pénible pour lui, tant il est habitué à jouer et à avoir beaucoup de confort. Yaqul, amma ihmal al-awlad, fa dararuhu kabir, wa khataruhu khatir, ara'ayta law kana laka bastan, fa namaytahu hatta ستتمت أحجاره. طيب là ce passage là on va le quoi qu'il en soit, il dit l'auteur qu'être négligent envers l'enfant, c'est une chose qui va lui porter préjudice et le danger est grand. Ne pas s'occuper de son enfant comme il se doit, cela peut être comme une forme de trahison envers le dépôt qu'Allah Azzawajal nous a confié, car les enfants sont un dépôt. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas notre propriété. D'accord, ils sont un dépôt qu'Allah Azawajal a laissé chez nous en but justement d'en faire des serviteurs d'Allah et non pas d'en faire des gens déviants et des gens mauvais ou des gens insouciants, inattentifs et autres. Et j'en passe. Les efforts doivent être prodigués pour que cet enfant soit de bonne religion. On voit les gens se battre pour que leurs enfants soient de bons élèves à l'école. Mais quand la religion vient, cela passe comme secondaire ou tertiaire. Ça, c'est une erreur. On a déjà parlé de ce qui concerne, en ce qui concerne l'éducation scolaire, principalement dans un pays comme la France, que celle-ci, à la base, elle est haram. Donc, il n'y a pas justement à se battre pour que l'enfant soit un bon élève. D'accord ? Il faut que se battre pour que l'enfant soit un bon musulman, un bon croyant. Et ça qu'on veut, que Allah Azawajal veut de lui, et que les gens veulent que cet enfant soit, et quand je dis les gens de l'islam. On veut des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, lui enseigner des choses de culture générale, tant que cela n'amène pas des transgressions, c'est une bonne chose également. Mais la priorité, c'est la religion. Ce n'est pas l'école, c'est la religion. La religion passe avant l'école. Et que dire lorsque cette école, elle est haram? C'est pire encore. Donc ces enfants, depuis petits, les habitués à apprendre du Coran. Depuis petit, c'est leur habituer, les habituer à entendre de l'arabe, leur apprendre à lire, à écrire l'arabe. D'accord? Les gens se battent à apprendre A, B, C, D, E, F, G, H et j'en passe, mais quand c'est Alif, Ba, Ta, Fa, il n'y a pas grand monde. Alors que cela est bien profitable pour l'enfant, qui depuis petit, sache lire et écrire l'arabe. L'un n'empêche pas l'autre, mais ne pas négliger d'apprendre à lire et écrire l'arabe. Et ça, c'est la portée de tout le monde. Que ce soit des gens nés en islam ou des convertis ou qu'autres, apprendre à décrypter l'arabe était à la portée de tout le monde, biznillah ta'ala. Et ce n'est pas difficile. Ça demande un effort, certes, mais ce n'est pas difficile. Et l'enfant assimile très très vite. Bien plus que l'adulte. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, en plus, il y a plein de moyens modernes, des casques, des écouteurs, des tablettes, des objets qu'on peut mettre au service de l'apprentissage religieux pour l'enfant, tout en lui laissant une note de plaisir en cela. Il faut savoir être assez méthodologique et trouver le juste milieu entre les deux. Et là, en fonction de l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. Donc le meilleur don que le père ou la mère puissent accorder à leur enfant, c'est le bon comportement. Leur apprendre le respect des adultes, des plus grands. Déjà en premier lieu, leur apprendre le tawhid, bien évidemment. Et leur apprendre qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Leur apprendre la sunnah. Les apprendre à être propres, à se purifier. Leur apprendre l'importance de l'adoration. Et leur apprendre le droit des gens. Les droits de la famille, les droits des voisins, les droits des adultes, des anciens, l'honnêteté, la loyauté, la véracité. Est-ce qui s'ensuit? Mais un enfant reste un enfant. Il ne faut jamais oublier, un enfant, ça joue. Un enfant, ça crie, un enfant, ça court, un enfant, ça casse. Un enfant, ça fait des bêtises. C'est ça, un enfant. C'est comme ça que son apprentissage commence à l'enfance par ce genre de choses, pour par la suite devenir un adulte. D'accord? Donc ne pas non plus être trop dur avec lui, et ne jamais oublier que c'est un enfant. Un enfant qui ne fait pas de bêtises, c'est plus un enfant. C'est pas un enfant, on va dire, il ne sera pas normal. Voilà, un enfant normal, il fait des bêtises. D'accord? Il fait des bêtises. C'est normal. Donc quand il fait des bêtises, il ne faut pas exagérer sur lui. Ce qui ne veut pas dire non plus être négligent. D'accord? Et si il faut en venir à Messalène, à le corriger, même par la main, en islam, ça l'est permis, mais de façon mesurée. D'accord? L'enfant, quitte à lui mettre une fessée s'il en a besoin, ce genre de choses, qu'il comprenne la bêtise qu'il a faite quand celle-ci est vraiment grave, ou qu'elle amène à nuire aux gens, ou même à lui causer un danger à lui-même, et que l'enfant atteint un certain âge, et qu'il faille en arriver à ce stade-là, faut le faire, mais dans les limites. Déjà, ne pas le frapper plus de 10 fois, car au-dessus de 10 fois, ça devient une sentence. Parmi les sentences de l'islam. Et ne pas le blesser, ne pas le frapper au visage, ne pas l'insulter, ne pas le maudire, ne pas invoquer contre lui, même dans la colère. Comme dans un hadith, c'est venu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tad'u ala mu'alikum wa la abidikum wa la ala awladikum fa innahum tusadifuna sa'atan yastajibullahu fiha fa yustajab lakum » N'invoquez pas contre vos biens, contre vos personnes, contre vos enfants, contre vos serviteurs et autres. Car il se peut que votre invocation coïncide avec une heure dans laquelle Allah exauce, et que cette invocation soit exaucée, et que l'invocation que tu fais contre ton enfant, eh bien, elle s'applique, elle se réalise. Et cela par ta bouche, subhanallah. Alors qu'à ce moment-là, tu aurais pu invoquer que Allah le guide et le réforme, et ça aurait été exaucé également. Donc même dans la colère, se contrôler et peser ses mots. Taïeb. Thumanakou fil hadith, athamin wa sittin. 68e حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تتبع وتبتع عفوا منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وَإِمَّا أَنْ تَجِيلَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple imagé en parabole de la bonne fréquentation. Il a dit, le bon compagnon est à l'exemple, et le bon compagnon ainsi que le mauvais compagnon, c'est à l'exemple du vendeur de parfum et du forgeron. Le vendeur de parfum, quand tu le fréquentes, soit tu vas acheter de lui du parfum, soit il va t'en donner, ou au minimum, le fait d'être à proximité de lui fera que toi-même te sentiras bon. Donc tu auras forcément un bien en tiré. Quant au... on dit forgeron également souffleur de verre. Et souffleur de verre également. Lui, soit il va te brûler tes vêtements, ou au minimum, tu sortiras de sa proximité avec une mauvaise odeur. Donc, quoi qu'il en soit, la personne que tu fréquentes aura une influence sur toi, bonne ou mauvaise. يقول اشتمل هذا الحديث على حث على اختيار الأصحاب الصالحين والتحذير من ضدهم. Donc ce hadith incite à choisir les bons compagnons et de mettre en garde contre les mauvais. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبنيا ومبينا أن الجالس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير كحامل المسك الذي تنتفع بها تنتفع بما معه من المسك إما بهبة أو بعوض أو أقل من ذلك مدة جلوسك معه وأنت كرير النفس برائحة النفس أو مسك. Donc par ces exemples clairs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre cette différence qu'il y a entre le bon et le mauvais compagnon. Et comme on l'a bien expliqué, que le bon compagnon, c'est comme le vendeur de parfum. Tu n'en tireras que du bien. Soit tu vas acheter une bonne chose de lui, soit il va te donner un cadeau de cette bonne chose, ou soit alors tu auras une part de cette bonne chose par la proximité, par l'odeur qu'il dégagera. Et le bon compagnon, en religion, est meilleur que le vendeur de parfum. Car le pire qu'il t'apporte, le vendeur de parfum ne t'apporte qu'une chose mondaine, la bonne odeur, qui est toujours agréable. Alors que le bon compagnon en religion va t'apporter des choses qui vont te servir pour l'au-delà. Dans ta dunya, d'accord ? Il va te conseiller quand tu as besoin d'être conseillé. Il va t'accompagner quand tu as besoin de compagnie. Il va te soutenir quand tu auras besoin d'assistance et autres. Quitte à même des fois à être peut-être dur envers toi quand il voit que tu t'écartes ou autre. Mais c'est pour ton bien qu'il fait cela. Ça, c'est un bon compagnon. Le bon compagnon, c'est pas celui avec qui tu rigoles forcément tout le temps et avec qui tu passes du bon temps. Non, c'est celui qui t'apporte un profit et qui le fait sincèrement et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, le bon compagnon. Et le sahaba le disait, comme Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'une personne qui ne te montre jamais tes erreurs quand tu en as, ce n'est pas un bon compagnon. Ce n'est pas un bon compagnon, en réalité. Donc, il faut savoir entendre de nos amis nos défauts, lorsqu'ils nous corrigent. Même si des fois, ils le disent de façon maladroite ou autre, il faut savoir l'entendre et l'accepter pour se corriger. Et tu verras que ta relation avec lui sera encore meilleure. Demain, vous avez déjà tous eu des amis. Un ami, quand tu vois qu'il fait une erreur, tu le conseilles, n'accepte pas. Tu t'éloignes de lui. Ton amitié avec lui se réduit. Parce qu'il n'accepte pas le conseil. Donc tu vois qu'il ne veut pas se réformer, il ne veut pas s'améliorer. Et il ne veut pas t'écouter. Donc en réalité, cette personne-là, tu verras que petit à petit, tu vas t'éloigner d'elle. Pas même, tu vas t'éloigner d'elle. Donc c'est important d'avoir des bons compagnons. Et comme vous le savez, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. Que l'homme est sur la religion de son ami. Donc que chacun d'entre vous voit qui il fréquente. Car par tes fréquentations, on pourra déduire qui tu es. Par tes fréquentations, les gens pourront déduire qui tu es. Voire même, dans ta religion, ils pourront voir quel est ton manhaj. Par tes fréquentations, sans même avoir à parler avec toi. Ils vont voir que tu fréquentes des ikhwan, ils vont dire toi, t'as un penchant pour eux. Ils vont voir que les tablir, ils vont dire t'as un penchant pour eux. Ils vont voir que les salafis, ils vont dire t'as un penchant pour eux. Ils vont voir que les salafis qui sont accrochés au ilm, ils vont dire t'as un penchant pour le ilm. Ils vont voir que les salafis qui ont un penchant pour la dunya, ils vont te dire toi, t'as un penchant pour la dunya. Ainsi de suite. En mesure des fréquentations. Et quand on dit fréquentation, c'est pas une personne avec qui on t'a vu une fois ou deux fois, c'est les gens avec qui les rencontres se répètent. Et avec qui on voit que tu es à l'aise et que tu es bien. Quand tu es en train de relations étroites, comme on dit. فقال وفوائد الأصحاب الصالحين لا تعد ولا تحصى وحسب المرء أن يعتبر بقرينه وأن يكون على دين خليله. Donc les bienfaits, le bien que t'apportent les bonnes fréquentations sont indénombrables. Sont indénombrables. Et comme on l'a expliqué, le simple fait que tu sois avec lui, s'il est de bonne religion, biznillah ta'ala, ta religion s'améliorera. Car elle te motivera. Même si on te dit fais ou fais telle chose, en le voyant, taïeb, et en le prenant comme exemple, toi-même, tu vas t'efforcer pour lui ressembler le plus possible, ou faire mieux que lui, sans pour autant vouloir le voir perdre le bien qu'il a. Sans quoi tu entrerais dans le hasad, la jalousie qui est mauvaise. Mais envier le bien qu'il a pour en avoir autant ou plus, sans pour autant que lui souhaiter que son bien, il le perde, ça, c'est une chose qui est louable en religion. Comme à quand le Ta'ala, wastabikul khayrat, et concurrencez-vous dans le bien. يقول وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى مهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. Je pense qu'il y a un mot qui manque. Ah, non, non, c'est bon, enfin. Min haythu yashurun, min haythu la yashurun. Donc maintenant, les mauvais compagnons, eux, cela amène à l'opposé de tout ce qu'on vient de citer. Et ils sont un préjudice pour la personne. Sous tous les angles. Ils sont un mal pour les gens qui les fréquentent. Combien de gens, justement, combien de personnes se sont perdues et sont égarées à cause de leurs compagnons? Ils ont mené leur fréquentation, qu'ils s'en rendent compte ou pas, vers leur perte. Et comme grand exemple que vous avez, qui est connu, c'est l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avant sa mort, lorsque le prophète a voulu lui faire dire « La ilaha illallah », il a été influencé par, par ses deux compagnons, dont Abu Jahl, ou Abdullah ibn Abi Umayya, j'ai oublié son nom, j'ai un trou sur le moment. Al-Muhim, avant qu'il ne prononce la shahada, car il croyait en son neveu, mais ils lui ont dit, Tatruku millat Abdul Muttalib, est-ce que tu vas délaisser la religion d'Abdul Muttalib? Et de là, il s'est raffermi sur son erreur, malheureusement, et a décidé de mourir sur cette religion. Donc regardez bien, même avant la mort, ses mauvais compagnons sont venus, ont été une cause pour sa perte. Car ils ont fait obstacle entre lui et la prononciation de la shahada, de l'attestation. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار ومن عقوبته للعبد أن يبتدي بصحبة الأشرار. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azawajal puisse accorder au serviteur, c'est qu'il lui accorde une bonne compagnie, un bon entourage. Par contre, parmi le châtiment qu'un homme pourrait avoir, c'est qu'Allah l'éprouve par des mauvaises fréquentations, alors qu'il ne s'en rend même pas compte. Il pense que les gens qui l'entourent sont bien pour lui, alors que sont mauvais pour lui. Et c'est pareil pour l'enseignement, les frères et les sœurs. Avoir un bon enseignant, avoir un bon cheikh, d'accord ? Combien de gens sont là, veulent apprendre et écoutent des mauvaises personnes et se font égarer ? D'accord. Ça rentre dans le même raisonnement. Ils vont écouter des prédicateurs, des prêcheurs, des enseignants ou des savants ou quoi, qui sont des gens qui vont les mener à leur perte, qui vont les mener à l'erreur. Et c'est peut-être une chose qu'Allah Azzawajal a voulu pour un mal qu'ils auraient fait ou autre. Allah, on ne sait pas. Tayyib, on ne sait pas, mais Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Et contrairement à cela, tu as des gens, alhamdoulilah, qui ont été muwaffaqoun pour écouter les bonnes personnes. Et pour profiter, pour avancer. Et pour s'améliorer. Non. Toyeb, on va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. Je voulais prendre le... ...69e hadith, mais le temps se fait court, et c'est bientôt le Maghreb, et après il y aura le death de Rabbi Nawawi ce soir, Inch'Allah, donc on va s'arrêter là, plus raisonnable. Fana ktafi biha dal qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.